Bonsoir à tous, bienvenue dans le Rock for Show en ce jeudi 10 novembre, mon cher Tom, bonsoir à toi. Bonsoir, et demain c'est le 11, donc c'est week-end. Ouais, c'est week-end en prolongé. France. En France, oui, bien entendu, puisque au Canada, hein, on salue bien Drive. Nos amis de Radio Biz. Attention, vous allez être envahis, messieurs. nous leur faisons plein de bises. Et ce soir, nous allons faire une émission 100% Zik nouveauté, parce qu'on a pris quand même pas mal de retard avec tous les festivals dont on était partenaire ces derniers temps. Ça va, t'es gentil, t'as pris un peu de retard. Non, c'est pas t'as pris de retard, c'est t'as pris 10 ans de retard. Ah oui, carrément, oui, parce que là, vu tout ce qu'on a reçu, je crois que j'en ai 3 caisses à la maison. Plus les gens qui nous envoient leur CD pour participer au Paris Metal France Festival, on vous le rappelle, qui aura lieu le 6, 7 et 8 janvier au plan Harris Orangis et dont vous pourrez trouver les places à acheter sur le Big Cartel d'ADX Music, voilà, au prix de 65 euros plus frais de location. Ouais, c'est ça, hein, pour le pass 3 jours avec un t-shirt d'ADX offert, plus, non, un t-shirt du PMFF, excusez-moi, offert, plus un live inédit d'ADX dans une magnifique pochette offert pour les 100 premiers qui prendront leur pass 3 jours. Et t'as une pièce de TCD aussi offerte avec ou pas ? Non, bah, remarque, je pourrais, hein, vu tout ce que j'ai à la maison, je pourrais faire une. Ouais, ouais, bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on fera pour les prochains. Et bah, on leur offrira un CD, mais alors vous aurez pas le choix, hein, on vous donnera un CD. On fera, voilà, un tirage, tu feras un tirage au sort. Ouais, ouais. Mais par contre, tu fais tri avant parce que c'est comme. Il y a beaucoup de daubes, c'est ça que tu veux dire ? Mais non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de daubes. Arrête, ah, c'est pas ce que j'ai dit. Attends, j'ai pas fini, une coupe de chapeau. Vas-y, vas-y. Non, mais. Là, t'as dit, t'as reçu des caisses, mais oui, c'est pas comme le vin, les caisses de vin, généralement, ah non, non. Elles sont déjà prêtes à boire, que là, oui, les caisses, c'est, faut que tu fasses le tri avant. Oui, oui, non, mais non, non, non, je ferai pas le tri, hein. Ils piocheront, ils prendront un CD au choix. Ouais, on va pas s'emmerder en plus à faire des tris, non mais oh, oh, oh, oh, monsieur Tom. Bon, ce soir, on a commencé cette émission avec un... Ouais, avec un générique de Yann Hermanino, qu'on retrouvera au PMFF. Bravo, bravo, que l'on retrouvera au PMFF, bien évidemment, avec monsieur Helbuccio. Pour leur nouvel et magnifique album, ils seront certainement accompagnés de quelques invités. Surprise! Et donc, on ne va pas vous les dévoiler ce soir. On a commencé cette émission avec Pantera. C'est un peu un hommage puisque ils fêtent le 20e anniversaire du 4e album du groupe qui s'appelle The Great Southern Tranquil. Et donc, bah voilà, l'album ressort en digipack, double digipack, avec l'album original de 96 remasterisé, plus un deuxième album avec des inédits, des lives et des remixes, un petit peu de choses que l'on trouve, des outtakes et des choses comme ça. Il y aura également un vinyle, hein, c'est ça, mon cher Tom. Il y a un vinyle. Yes, c'est un vinyle qui est d'où, de 10 titres. Ce souvenir, il y a 10 titres et c'est 10 titres des. Deuxième CD, c'est-à-dire c'est tous les... Enfin presque tous, parce qu'il y en a 12 je crois des titres sur le deuxième CD. Oui, mais ce serait du deuxième CD, ouais, ça, je veux dire, c'est du... Donc c'est des remasterisés, mmh, et du live et du... Et des inédits. Et des inédits, ouais, voilà. Donc ça sort chez Atlantic, c'est sorti chez Atlantic le 21 octobre. Dans un magnifique digipack, moi je trouve très beau. Vous pouvez trouver la pochette sur la page Facebook, la photo qu'on a publiée. Oui, puisqu'on vous a publié les pochettes de tous les albums qu'on va vous diffuser ce soir. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Le groupe est un groupe américain qui nous vient de Dallas. Ils se sont formés en 1981, se sont séparés en 2003. Et monsieur Dimebag Darrell est décédé en 2004, je crois. Oui, ça doit être ça. Il est décédé en 2004. Et suite à ça, le groupe s'est arrêté. Phil Anselmo a formé tout un tas de groupes, genre films et puis d'autres choses. Enfin bref, pour les amateurs du genre, je pense que vous serez beaucoup plus à même de savoir de quoi il en retourne. Moi, ce qui m'intéressait surtout et ce qui m'intéresse encore aujourd'hui, c'est plutôt Pantera. Voilà. On va continuer avec ce que l'on entend en fond sonore. Le groupe s'appelle Witches. Witches qui seront également à l'affiche du Paris Metal France Festival le 6 janvier. Ils seront tête d'affiche de la scène Rockford, la Rockford Stage, parce qu'on a donné des noms au stage. Non. Si, vas-y, donne. Alors, il y a l'Ultime Stage et la Rockford Stage. La Rockford, c'est la petite, alors. Voilà, et l'Ultime, c'est la grande. L'Ultime par rapport à l'Ultime Fest Oui, aussi, et puis par rapport à Ultime Record, par rapport à... c'est un petit clin d'œil un petit peu à tout le monde. Mais surtout, ouais, comme tu dis, un clin d'œil à l'Ultime Fest, puisque l'Ultime Fest sera en fait le pendant suivant du PMFF, puisque cette édition 6 devrait logiquement être la toute dernière, l'ultime et dernière édition, bien qu'on ait déjà dit ça en 2013. J'avais complètement oublié qu'un jour j'aurais 50 ans. Ouais. C'est marrant, un jour t'en auras 51 aussi. Oui, mais alors non, on les fête pas les unités, on fête surtout les chiffres ronds. Donc le prochain, ça sera à 60 ans. Bon, ça va, dans 10 ans, on sait même pas si nous existerons toujours. C'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même temps. Voilà. Donc Witches qui sera en concert demain. Hein, ils seront en concert demain à Paris. Au Cirque Électrique, mais ils seront pas tout seuls, ils seront avec Kamala et Corrosive Elements. C'est une petite scène ça. Et Lurking. Oui. Et Lurking que ne n'oublie pas. Voilà. Nous allons enchaîner donc avec des nouveautés et avec des nouveautés qui nous font plaisir puisque quelques temps avant de rendre hommage à Monsieur Lemmy Kilminster qui nous a quitté l'année dernière en 2015, en le 28 décembre 2015. Eh bien, Phil Campbell nous sort un EP 5 titres qui s'appelle... Bah, il n'y a pas de titre. EP 5 titres. Voilà, mais il le sort avec son groupe qui s'appelle Phil Campbell and the Bastard Sons. Qui font... Enfin, jusqu'à présent, ils faisaient des reprises de Motorhead, et entre autres, hein, puisqu'ils faisaient aussi d'autres groupes, mon cher Tom, hein, c'est bien ça ? Oui, juste avant, il avait lancé un groupe, j'ai plus le nom sous les yeux, mais juste avant de faire ADX. ADX, ouais, bien, Tom, bien, ouais, bravo. Bravo, j'avais dit que j'en parlerais pas ce soir, hein, mais bravo, bravo, Tom. Alors là, je dis non, mais, le lapsus révélateur. Non, donc avant de faire Motorhead. Ouais, avant de faire Motorhead, il avait participé à un groupe. Ouais. Parce que Motorhead, c'est 83. Ouais. Même, peut-être même 82. Et non, lui il est rentré en 83, mais le groupe existait depuis avant. Hein. Oui, voilà. Et lui il était juste avant dans un autre groupe. Voilà. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir de ce EP 5 titres s'appelle Big Mouth. Grande bouche, ça veut dire grande lèvre. Hein, Big Mouth, je pense. Et voilà, ça sortira le 18, donc la semaine prochaine. Chez UDR Music. Voilà, donc c'était pendant de longues années le guitariste de Motorhead, bien entendu. Et bah, il restera pour tout le monde comme l'un des guitaristes émérites de Motorhead. Nous enchaînons ensuite avec Devilment, qui est le projet parallèle, enfin même je crois que Cradle of Filth n'existe plus, je pense. Et donc Dennis Filth participe à un nouveau projet qui s'appelle Devilment, ça doit être le deuxième album. Puisque ça s'appelle Devilment 2, The Mephisto Wastlers, c'est ça, hein? Waltz. Je te laisse le faire. Voilà. Ouais, parce que bon, c'est dur à dire. Je m'incline. Ça sort chez Nuclear Blast, pareil, le 18 novembre. Avec vocalement, là, on a vraiment l'impression, sur le morceau que je vais vous passer, qu'on a Michael Kiske au chant, et ça ressemble beaucoup à Halloween. Bon, il y a une voix féminine également. Enfin, je sais pas si tu trouvais ça assez bizarre. Alors j'espère que je me trompe pas du tout de d'album, parce que ça me paraît bizarre, Danny Filth qui ressemble à Halloween. Mais non, je crois que c'est tout à fait ça. Donc le groupe est anglais, bien entendu, c'est formé en 2011, et puis voilà, à découvrir. Moi, tout ce que j'en ai écouté, j'ai écouté 4 titres, et franchement, les 4 titres, j'ai aimé, quoi. Et donc je me suis dit, bah tiens, on va leur diffuser ça ce soir, et voilà. On enchaîne ensuite avec Lamb of God, qui nous sort son EP, un nouveau EP qui s'appelle The Duke. Et le titre que je vous propose de découvrir, c'est justement, ça s'appelle The Duke. Et bien sûr, sorti chez Nuclear Blast également le 18 novembre. Le groupe nous fait du metalcore, ils nous viennent des États-Unis, de Richmond en Virginie. Ça aurait pu faire l'occasion d'une question, justement, puisque avec les élections que l'on a subies avant-hier, on aurait pu savoir où se trouvait Richmond. Le groupe s'est formé, donc Lamb of God s'est formé en 1994. Et bon voilà, on va vous laisser en musique avec toutes ces belles nouveautés. Donc on va commencer, comme je disais, avec Phil Campbell, on enchaîne avec Devilment et on terminera avec Lamb of God. Mon cher Tom, yeah, à toi, yeah, allez, c'est allez, bon, allez, musique. from life. Every day could be your last, so consider your demise. Mine has drawn so near, staring into the eyes of the end. Living now without fear, the time that's left to spend, the time that's left to spend. Longer. My body begins to fail as my spirit grows stronger. It's time for me to go. The circle closed as the snake eats its tail. Lay my burden down, walking free beyond the pale. No time is left to spend. Dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock Folk Show, n'est-ce pas, mon cher Tom? Et comment tu te la mets? De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock Folk Show. C'est pas bien, c'était pas bien, t'as pas aimé? Ah, c'était cool. Bon, alors, non mais dis donc. Comme oh là. Et qu'est-ce qu'on écoute là en fond sonore? Comme la pause musicale. Dagobah avec Dagobah. The Lost, ce serait sorti en 2015 chez Ivory Record. Ouais, c'était leur issue voilà. De leur dernier album. À tes souhaits, Tom. Bon, on les passe tout simplement parce que bah, la semaine dernière, enfin le week-end dernier, ils étaient en concert au Rock Your Brain Festival. Eux aussi, mais le premier jour, c'était d'ailleurs le vendredi. Avec. Vous y êtes pas allé. L'autre Blast, bah non, puisque nous on était avec Massisteria le vendredi. Donc vous pouvez pas être partout et d'ailleurs c'était bah tiens on va vous en parler. Massisteria c'était excellent, un très très très bon groupe. Le Bon, les deux groupes se connaissaient bien, ADX et Massisteria, puisque pour la petite histoire, Beethoven, guitariste d'ADX, a donné des cours de guitare, ses premiers cours de guitare, à Jan Maas de Massisteria. D'accord, ok. Ah, donc voilà, c'était un petit peu un week-end famille. C'était un peu l'élève et le maître. Ouais, mais on peut dire que l'élève a pris une autre direction que le maître et est devenu le maître aujourd'hui. Donc, mais le maître en son genre, hein, parce que les deux guitaristes ne font plus pas du tout le même style. Mais en tout cas, c'était vraiment chaleureux, c'était bien. On a été très très bien accueillis par le public, parce que c'était quand même le public de Massisteria à la base, hein, même s'il y avait beaucoup de t-shirts ADX. Mais voilà, donc c'était un très très très bon concert dans une mairie, vraiment tout était réuni, le son, c'est une vraie salle de concert. Donc c'est vrai que d'habitude ce sont des salles que l'on aménage en salle de concert, et là pour le coup c'était une salle de concert d'origine, donc ça change donc, quand même pas mal de choses. D'habitude c'est une salle qu'on aménage en salle de concert, en gros le PMFF ça va être une cave quoi. Non, parce que le PMFF c'est une salle de concert à la base, puisque c'est là où les gens répètent, font des résidences et autres. Donc oui, c'est bien. C'est vraiment une vraie salle de concert. Et surtout que le plan Henri Soringer, c'est une salle qui a été rénovée dernièrement. Oui. Ah ouais, c'est une salle toute neuve, donc elle est pensée pour la musique. Donc on pour en revenir donc à tout ça, voilà, c'était formidable. Et après on a eu un petit day off, donc on a visité un petit peu la région, Nancy. Mais t'as même pas ramené de bouteille pour moi quoi. Ah mince, je les ai laissés au bureau. C'est vrai, en plus, j'en avais ramené, mais je les ai laissés au bureau. Donc, il va falloir que j'en récupère une et puis que je te la ramène la semaine prochaine. D'accord. Mais t'inquiète pas, j'en ai ramené 8, alors donc il y en aura bien une pour toi que je pourrais sauver d'ici demain. Et puis, donc, après, il y a eu le Rock Your Brain Festival à Célestat, près de Strasbourg. Où là, c'était génial, c'était le dimanche. Et puis on a avec Killers, Mystery Blue, Vulcain, c'était vraiment trop de la balle quoi. Ah bah Vulcain, ouais, c'est sûr. C'était vraiment bien. Une séance de dédicace pour ADX qui a duré 2 heures de séance de dédicace. Donc merci à tous les fans du groupe. Et puis c'était un très très très très bon concert. Pareil, une salle magnifique. Et puis un accueil qui était vraiment digne des plus grandes stars du showbiz quoi, parce que on avait un espace énorme pour le catering. Et non, vraiment y a rien à dire. Là on est parti sur deux week-ends où c'était parfait. Et on espère que 2017 s'enchaînera. Après, il faut que le PMFL soit bien foutu. Quoi, ça, t'inquiète pas pour ça. On y travaille, monsieur. On y travaille. Ah, c'est toi qui gères en plus. Ouais. Donc, oui. Dagoba, pour en revenir à eux, ils seront en concert le 18, la semaine prochaine, jeudi prochain. À Saint-Mignon-le-Temple, à l'Empreintre. Ouais, à l'Empreintre. Ouais, l'Empreintre. Non, l'Empreintre. À l'Empreintre, ils seront avec Our Theory. Our Theory. Qui est un groupe français aussi. Oui, deux groupes français. Donc on leur souhaite un très très bon concert au Dagoba. Et on va passer à des petits camarades à eux, hein, puisqu'il s'agit de Arcane, les Parisiens de Arcane, qui nous sortent enfin leur troisième album. Alors, que puis-je vous dire de Kellem, qui est le nouvel album de Arcane. Eh bien, on a repassé encore à une nouvelle mouture du groupe, puisque Sarah s'en est allée et elle est remplacée par Monsieur Munoz, ex-chanteur de The Old Dead Tree. Donc c'est bien, et en même temps, moi je trouve qu'il y a des choses vraiment très très bien. C'est un très très bon album, c'est un concept album, hein, basé sur les attentats, sur le terrorisme et tout ça. Et par contre, voilà, on change encore de style avec Arcane, et je pense que je regretterai toujours le premier album, qui pour moi était quelque chose de vraiment très original, et avec des rythmes orientaux, des choses comme ça, et c'était vraiment très original. Et là, j'ai du mal à rentrer complètement dedans. Alors il faut l'écouter plusieurs fois, hein. C'est un magnifique album, hein. On peut pas dire que l'album soit pas bon ou quoi que ce soit, c'est un très bon album, mais ça ne ressemble pas à ce que l'on attend de Arcane. Alors beaucoup de gens les comparaient à Orphaned Land. Bon là pour le coup on va un petit peu moins les comparer à Orphaned Land. Le titre que je vous propose de découvrir, c'est Kéfir. qui est donc issu de cet album qu'elle aime et qui est sorti chez Overpowered Records. Enfin, il sortira. Ben non, il sort ce soir. Il est sorti aujourd'hui, en fait, le 10. Donc, il est sorti. Oui, il est sorti ce matin à l'aube. Ouais. Si vous êtes à la pêche, j'espère que vous l'avez ramassé. Donc, ben, il est tout frais, tout chaud. Il est pour vous. Et ils seront en concert pour une release party le 22 novembre. À Paris, et ce sera au petit bain. Avec Voron. Oui, avec Voron. Ou Voron. Voron. Ah, c'est aussi un groupe français. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bah, c'est du metal death oriental. On va dire que c'est comme ça. Enfin, du mélodeath, moi je dirais. Hein, du mélodeath oriental. Le groupe s'est formé en 2005 et ils en sont donc à leur troisième album. Ils nous viennent de Paris. Arcane, bien entendu. Les bien nommés. Nous enchaînerons ensuite avec d'autres Parisiens, les Butchers Rodeo, magnifique groupe que l'on avait vraiment beaucoup apprécié en première partie de Black Bombay au Divan du Monde, où le batteur, enfin tout le groupe était venu au milieu du Divan du Monde, avait démonté la batterie et l'avait mis carrément au milieu, et tout le monde avait fait un circle pit autour de la batterie. Enfin, moi j'avais vraiment beaucoup apprécié ce groupe. C'est vraiment très très bon, un groupe un petit peu dans le genre extrême, hein. Voilà, j'aime beaucoup. Et le nouvel album qui s'appelle Backstabbers, et qui est d'ailleurs leur premier album, puisque avant ils avaient sorti quelques EP. Donc Backstabbers est le nouvel album du groupe, et il est sorti le 4. Ouais, le 4 au début du mois, quoi. Ouais, chez Atom, hein, le 4 novembre. Et le titre que je vous propose de découvrir, mon cher Tom, The Legacy. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On peut dire que le chanteur de The Butcher Rodeo n'est autre que le nouveau chanteur. Enfin, le nouveau. Le chanteur de Acme. Oui, il a quand même quelques années maintenant, mais c'est le chanteur d'Acme, et qui est aussi chanteur dans un autre groupe qui s'appelle No Swad. Très bien. Donc, moi, j'ai vraiment adoré cet album. Déjà, je me rappelle à chaque fois que j'écoute ce groupe. The Butchers Rodeo, je me rappelle de leur prestation magnifique au Divan du Monde, et bah, ma foi, j'adore. Oui, alors c'était aussi, je crois, alors il y avait Black Bombay, mais je crois que la tête d'affiche c'était Tagada Jones, si mes souvenirs sont bons. Ça me parle, cette affiche. Hein, Tagada Jones, Black Bombay et Butchers Rodeo. Ouais, ça a fait titre. Hein, voilà. Et on a tous fini et dans les loges. Tu mets tout ça au Divan du Monde, ça fait. Ça fait bingo. C'était vraiment très très bien, une très très bonne soirée. Et effectivement, on avait tous fini dans les loges. Même toi. Oui. À poil. À poil, non. Mais il y avait des gens à poil dans les loges. Oui, effectivement, tu les connais bien, toi. Hein, hein, et puis les loges au Divan du Monde, elles sont sympas quand même. Oui, moi j'aime bien. C'est un endroit que j'aime bien. Moi, pour y avoir été une fois ou deux, elles sont sympas. Ouais, moi j'aime beaucoup cette salle. Bon, dommage qu'on n'ait pas fait le PMFF là-bas, parce que on avait pris nos marques, hein, depuis deux éditions. Mais bon, il fallait démonter le matériel tous les soirs. Alors, c'était un peu saoulant. Donc voilà pourquoi le PMFF cette année se retrouve au plan Harry Sorangis. Voilà, nous allons continuer avec un autre groupe de la scène française. Le groupe s'appelle Ave Tenebrae. Ave Tenebrae. Qu'un autre monde a perdu son éclat. C'est le comment s'appelle le titre qu'on va du écouter. Morceau qu'on va écouter, mais tandis c'est tiré de l'album. Tandis que les parjures se meurent, c'est le titre de l'album sorti chez M&O Music. Il sortira le 25 novembre, donc cette fois-ci on peut vous dire que c'est une exclusivité. Ils auraient pu faire un effort pour le label, hein, parce que c'est que des phrases, mais le label M&O, quoi. Ah oui, au passage, on salue Julien et mais aux musiques pour et la distrib, Alexandre. Ouais. Alors c'est du black death, hein, c'est chanté en français, et le groupe date de 1998, ils sont français, ils nous viennent de Taverny en Ile-de-France, et c'est leur, je pense pas que ça soit leur premier album, je pense qu'ils avaient sorti d'autres albums auparavant. En tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est que le groupe chante en français, on comprend pas toujours, hein, alors que les paroles sont quand même assez importantes. Mais bon, comme vous avez un livret, voilà, vous pouvez suivre les paroles. Mais je salue l'initiative de chanter du black death metal en français, avec, ma foi, des choses assez intéressantes, entre guillemets. Voilà, bah écoutez, on va vous laisser en musique. Alors ce soir, il n'y a pas grand chose à gagner, parce que on est en mode un petit peu demain on va se reposer. C'est week-end. Hein, c'est week-end. Et puis surtout, je reviens d'un long week-end avec les AVX Men. Et ma foi, l'émission, on l'a fait. T'as un petit peu. T'as pas des guillotines à faire gagner? Allez, on fait gagner une guillotine, un pins. Un pins d'AVX. Ouais, allez, on vous fait gagner ça. 06 81 01 28 34. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait nous dire? Oui, citez-nous une ville où ADX a joué durant les deux derniers week-ends. Simple, hein, on a déjà cité deux tout à l'heure. Donc voilà, vous citez une des villes où ADX a joué. Ce fut une grande céleste. En plus, il leur donne des tuyaux. Mais c'est dingue ce ah gars, non, c'est j'ai dingue pas Non, c'était pas un tuyau, c'était une boule. Bien, mon cher vizir. Allez, on envoie la musique et on se retrouve tout de suite après pour la suite de cette émission 100% Zik Nouveauté. Genre tu screams. Genre. Et je demande à voir. C'est vrai ? Bah regarde-moi alors. Bon bah c'était Philemol qui vient de décider. Ah, je croyais que tu me disais Philadeus qui scream. Mais arrête avec ça ! Putain, on n'en parle plus, on a dit. Ah, jusqu'au mois de janvier. Enfin non, on en reparlera un petit peu parce qu'il y aura une release party. Il y aura plein de choses quand même. Et puis surtout, il y aura des cadeaux de Noël. Parce que le groupe... sera des guillotines. D'ailleurs, 06 80 01 28 34. Oui, pour votre guillotine. Qu'est-ce qu'on a entendu, mon cher Tom, au lieu de raconter des bêtises depuis qu'on s'est quitté ? Donc, il y avait Arcane, suivi de The Butcher's Rodeo. Et on vient de finir avec... Ave Tenebrae. Exactement. Et ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle... avec la nouvelle chanteuse. Donc c'est tiré de leur dernier album, mais surtout ils seront en concert, les Heads. Ils seront en concert la semaine prochaine, le 19 à Guyancourt, à la batterie. Oui, mais ils seront pas tout seuls, ils seront mais avec... moi je serai de la basse. Si tu seras, oui d'accord, si tu veux. Et ils seront avec The Distance, autre groupe émérite de la scène française. Voilà, hein, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Est-ce que tu as d'autres dates de concert à nous annoncer, mon cher Tom ? Ah, mais j'en ai des mille et des cents, si ben tu veux. Ben dis donc, annonce-nous des dates de concert. On dirait le Fernando Rock Show, tiens. Le Muppet Show. Le Muppet ouais, Rock bah, peut-être show. Pas. On a parlé du concert de Witches en tout début de soirée, oui, donc on peut vous répéter. Rappeler. On peut vous rappeler, c'est au Cirque Électrique, c'est-à-dire 10 places du Marquis du Vercors, plutôt. Du Maquis du Vercors dans le 20ème, entrée entre 8 et 10 euros. Et pour tout ça, vous avez Witches, Kamala, Corrosive Element et Dark King. Excusez-moi. Recommence plus jamais. C'est vendredi soir. Tout ça, c'est vendredi soir. Après samedi, vous allez à. Bah là, on va loin là, à Climont dans le 76. Donc dans la scène. C'est pour tous les amoureux de guitare et qui aiment un petit peu Jimi Hendrix. Voilà. C'est la Normandie en Seine-Maritime, voilà. Oui. Je cherchais le département à la traverse. Et on va revenir à Paris au New Morning lundi 14 novembre. C'est encore Simo. Voilà. Ouais. Donc en gros, vous pouvez passer un week-end Simo. Et qu'est-ce qu'il y a comme Simo? C'est quoi cette blague? Je sais pas, donne-moi Simo. Ah, Simo. Simo, 3 Simo, doudou. Amour, gloire, beauté, chaleur, chapeau de paille. Chapeau de paille et, oui. Et pas la soute. D'accord, ok. Bon, et hop, on passe à un autre concert. Là, on arrive directement vendredi. On l'a annoncé avec Dagoba et Awa Theory. Samedi, S et The Distance. Et on arrive mardi 22 novembre au Petit Bain, donc tu as une place, mais t'en as une ou t'en as deux ? Pourquoi j'ai marqué qu'il y avait des places à gagner ? Bah, c'est pas Petit Bain, Divan du Monde. Ah oui. Non, mais on les fait pas gagner ce soir, on les fera gagner la semaine prochaine. D'accord, bah vous reviendrez alors. Ouais, parce que la semaine prochaine, on aura encore le temps d'en faire gagner. Donc on va pas vous dire qui c'est. Mais si, dis. Ishan. Donc il n'y a pas de sushi. Là-bas, c'est ton PC qui s'est éteint, donc je devrais te prévenir. Non, c'est juste une horloge qui s'est allumée, donc c'est un écran de veille. Voilà. Ça te permet de voir l'heure, tu vois, t'as l'heure en double exemplaire. C'est vrai, je vois l'heure, ouais, il est tard. Sauf qu'il y en a une qui est en retard et l'autre qui est en avance. Ouais, c'est ça. Bon, quoi d'autre comme concert ? Ça s'arrête là, le 22 ? Le 22 tu veux aller plus loin parce que on va au 26 là. Voilà, vas-y, allez, on s'arrêtera au 26. Wisdom, oui, très à la, bien. À la Boule Nord. Eh ben, à la Boule Nord, ouais. Tout seul c'est au nord de Paris, mais à Boule Nord. Tout seul, ouais, bah tout seul, oui. Ouais, parce qu'il n'y a pas marqué plus guest. D'accord. Non, mais Bufkowski qui est le 2 décembre, donc là on est au mois prochain. Voilà, on va s'arrêter là. Ce sera dans le 78 à Andrézy. Je connaissais pas. Andrézy ? Andrézy, ouais. Si, connu Andrézy. Et puis il y a une ville, si. Là, moi je vais en parler parce que Banane Metallic, c'est un groupe que je kiffe. Excellent, c'est excellent. Rien que par le nom, avec Breakout et No Hitmakers. C'est à Brétigny-sur-Orge, c'est au Rackham. Donc ça vous fera un petit aperçu un peu pour le. Pour le plan Harry Sorangis et en même temps le plan Harry Sorangis, donc là vous pouvez faire plusieurs choses. Bon, le fond sonore c'est pas le bon, hein, vous ferez pas gaffe. Rackham, Brétigny sur Orge, ça va vous faire un petit aperçu pour le plan Harry Sorangis et ça vous fera un petit aperçu pour ceux qui vont aller au Download Festival. Pourquoi? Parce qu'il y a les groupes du download. Non, parce que le download, c'est... Ah oui, ça sera à Bretigny, c'est vrai, cette année, ça sera à Bretigny. Voilà. Oula, je sais pas s'ils vont avoir beaucoup de... Enfin bon, on verra. Si, parce qu'en plus, t'as gap, camping et parking gratuit. Ouais, mais l'affiche, elle est pas... Enfin, moi, j'ai vu l'affiche, elle est pas terrible. Hein. Bah, le Hellfest va y ressembler, hein. Ah, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Hein. Donc, On verra ça. Ceux qui ont pris leur place pour le Hellfest vont être un peu déçus. On reprend la programmation musicale de ce 100% musique nouveauté. Et on va prendre le joystick et je te vais te le mettre dans la main. Tu as eu peur. Tu as eu peur un instant, hein. Tu t'es dit... Oui. Tu t'es dit, dans l'espace d'un instant, j'ai vu tes yeux exorbités. Te dire oula pas par là. Bon non, c'est dans la main le joystick. Et bah, ils nous sortent un split EP. Ils ont sorti, puisque c'est sorti au mois de septembre, un split EP. Tu m'expliques le concept d'un split EP? Et ben, c'est-à-dire que tu as deux groupes qui se partagent l'album. Qui se split et que, donc ils sortent un EP. Non, ils se splitent pas, mais le CD en fait est splitté en deux parties. Donc une partie pour The Joysticks et l'autre partie pour High School Motherfucker. Alors ça tombe bien parce qu'on va vous passer les deux groupes. Ouais, mais ça se fait beaucoup ça. Ou bah ça se faisait beaucoup. Ça se faisait beaucoup. Il y avait une face pour un groupe et l'autre face pour un autre. Ouais, groupe. À l'époque des vinyles. Oui. Ça se faisait énormément. Et puis ça permet aussi de, eh ben, d'avoir un album parce que ça fait 10 titres et que les deux groupes puissent financer en fait cet album. Alors ça que fait, ça fait EP, moins cher ça qu'un coûte EP, plus cher. Voilà. Donc Joysticks qui eux sont de Hongrie, hein, c'est ça, c'est ce qu'on avait dit, ils sont de Hongrie, ils se sont formés en 2005. Hein. Ouais, et puis ils sont automatiques. Oui, c'est le titre que l'on va passer, merci mon cher Tom. Et c'est tiré de du split EP. J'ai donné un titre, mais non, il n'y a pas de titre parce que c'est un split EP. Et c'est sorti chez le label Shotgun Generation. Ah, exactement. Alors, et c'est automatique, c'est Shotgun et c'est Joysticks. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à appuyer et à faire démarrer pour écouter. Ouais, mais attends, avant on va écouter Motherfucker. On va écouter Motherfucker avant. C'est du punk rock et High School Motherfucker est également du punk rock avec notre cher ami Dom que l'on salue bien bas. Et bah, lui aussi, il sort un album hein, par contre, les High School Motherfucker qui devrait. Enfin, qui s'appelle comment déjà? On l'a dit tout à l'heure, Skulls Out. Skulls Out. Et ça devrait sortir normalement d'ici la fin de l'année. Ou alors c'est déjà sorti, mais bon, j'ai pas encore reçu, donc je n'en parlerai pas plus que ça. Par contre, le titre de High School Motherfucker que nous vous proposons ce soir, tiré du split EP avec The Joysticks, se nomme... Motherfucker Go. Bah, complètement. Hein. Et c'est sort aussi, bien évidemment, chez Shotgun Generation. Le... En même temps, si c'est le même LP, c'est bah, normal. Enfin, ah, j'ai envie de te dire. Ah, t'as envie de me dire? Bah, dis-le-moi. Non, il y a surtout... deux labels différents. Il y a le label face B, il y a le label et puis face... Et sachez que le groupe est parisien et qu'ils se sont formés en 2003. Voilà. Nous allons continuer avec Grand... Alors là, je ne connaissais pas du tout, mais j'avoue que j'ai été un petit peu séduit par ce groupe qui s'appelle Grand Média Blackout. Et le groupe nous vient de Champagne-Ardenne. Donc ça, c'est une belle région. Oui, j'adore la Champagne-Ardenne. Là où pour la musique, bien sûr. Oui. Et mais il y a aussi le festival de films qui est pas très loin. Hein. Oui, bah, c'est pour ça que je te dis, c'est pour la musique. Oui, mais aussi pour. Ouais, bon, bref, voilà. Avec modération et avec des potes, donc c'est pas mal. Pour les Ardennes. Voilà, pour le pâté de sanglier des Ardennes. et puis le festival de Vouziers qui se trouve dans les Ardennes également. Donc Grand Média Blackout ont sorti un album qui s'appelle Grand Média Blackout. Comme ça ils ne sont pas foulés, c'est très bien. Ça sort chez Replica Records le 24 novembre. Ma foi, c'est pas mal. Hein. C'est du classic rock. Ouais, c'est le retour du classic rock. Ouais, c'est ce qui se enfin. C'est prétendre. C'est peut-être un peu prétentieux de leur part, mais laissons-les faire et pourquoi et why not? Et bah écoutez et jugez. Et ils se prétendent comme. Non, ils se prétendent pas. Ils ont des influences comme Led Zeppelin. Oui, et ils veulent. Et ils se disent on ramène le classic rock en France. Ouais. Mais du classic rock avec un peu de prog dedans, j'ai trouvé moi. Parce que voilà, je pense qu'il y a un petit peu de ça dedans. En tout cas, ça joue super méga bien. Le groupe s'appelle donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Grand Média Blackout. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Bah, c'est leur premier album surtout, et c'est un quatuor. Hein? Yes, yes, yes, c'est quand même pas mal ça. Mais ils sont pas tout jeunes. Hein. Alors, un quatuor c'est 2x2. Ouais, 6. Hein? Allez. C'est pas ça. Mais ils sont pas tout jeunes, hein, Grand Media Blackout. Ils sont pas grands, ils sont pas tout jeunes. C'est des vieux, c'est ça que tu veux non, dire. Non, mais c'est ça qu'on dit. 2004, c'est ça qu'on avait dit, non plus. Ouais, enfin, le groupe s'est formé en 2003. Ouais, mais. Bah. 2004. Je sais plus, j'ai plus mes fiches. Je ne vois plus rien, je crois que c'est ça. Non, je sais plus en quelle année on avait dit qu'ils étaient formés, puisque je n'ai pas la date de formation sur ma petite fiche. Mais par contre, c'est leur premier album. Donc je pense pas qu'ils soient si vieux que ça. Hein. Je pense que le groupe, ça a dû se former en 2010, si mes souvenirs sont bons. D'après ce dont je me rappelle. Mais bah bon, écoute, je fais peut-être une erreur, on va peut-être le retrouver, puis on vous donnera ça tout à l'heure. Peut-être, pour l'instant, on va envoyer la musique. Alors, deux groupes de punk rock, un groupe de classic rock. C'est parti, c'est dans la boîte, ça s'appelle Just Joysticks, Stewie de High School Motherfucker, et on terminera avec Grand Media Blackout. Move, I'm turning. Baby, I can't deny it. Boom, boom, I can't control how your soul I burn. Retour dans les studios au son d'un groupe qui s'appelle Red Cane. Red Cane. Et on vous en parlera la semaine prochaine. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Tu les auras dans le studio? Non. Mais bon, comme on vous le passe en fond sonore, ou alors on vous le passera peut-être en fin d'émission. Je sais pas, on va voir. On va voir. Tout dépend de ce que t'as préparé à manger. Hein, parce que soit on quitte l'émission et on va bouffer, hein, parce que au revoir, parce qu'on a faim. Au revoir. Parce qu'à un moment donné, faut manger quand même. Et puis on vous laisse en musique, on sait pas, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, Tom. Je sais pas. Toi, parce que moi je m'en remets à toi aussi de temps en temps. C'est ouais, le mec ouais, qui rame. Bon, allez, Redkin, donc on vous en reparlera la semaine prochaine. Et on va passer à la suite de la programmation. Déjà, on va vous débriefer un petit peu ce que l'on a écouté. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé, je reviens loin, puisque j'en reviens à Devilment. J'avais dit que ça ressemblait, mais c'est je suis complètement passé à côté. En premier, normalement, je ne devais pas vous passer Devilment, je devais vous passer un groupe allemand, je crois, qui s'appelle Lancer. Et c'est dans ce groupe Lancer que le chanteur ressemble un petit peu à la voix de Michael Kiske. Ce qui n'avait rien, mais alors rien du tout à voir avec Devilment, qui n'est autre que le projet parallèle de, ou le nouveau projet de monsieur Danny Fifth de Cradle of Filth, bien évidemment. Donc veuillez m'excusationner de l'erreur. Vous savez, je parle bien la France. Hein. À noter pour plus tard. Oui. M'excusionner à insérer dans le best-of des expressions du filet molle, hein, d'accord. Voilà. M'excusationner. Donc, ce n'était pas du tout ce qu'on devait vous passer. Donc, vous avez quand même pu écouter là les Hongrois de Joysticks, suivi de High School Motherfucker, yeah. Et on a terminé donc avec Grand Média. Blackout. Alors, j'espère que vous allez pouvoir nous faire vos petits commentaires au 06 81 01 28 34. Ah, quand même, j'ai eu peur, j'avais complètement oublié la fin du numéro. Je me suis dit, va-t-il s'en rappeler comme ça, à brûle pour point? Monsieur ne connaît même pas son numéro par cœur, hein. C'est pour vous dire. Donc vous nous envoyez bien entendu des SMS, hein, des SMS. Il n'y a pas de question, il n'y a rien. Des SMS, SMS, SMS. C'est juste pour vous faire gagner des petites guillotines d'ADX Musique. Hein, ils sont bien les petites guillotines. D'ailleurs, je mettrais bien la tête d'un illustre personnage nauséabond dans cette guillotine et lui couper la tête et afin qu'on n'entende plus parler de cet ignoble personnage. Ah, c'est bon. On n'en parle pas, ça va lui faire de la pub, tu as raison. Nous allons donc passer à la suite de la programmation, encore avec des groupes français. C'est une émission un petit peu spéciale, groupe français, à part au début d'émission. Oui, parce que bientôt Michel Parmonaref va revenir ici, donc il faut bien qu'on parle un peu, quoi. Et nous allons enchaîner avec le groupe Nio, un groupe en trois lettres avec deux voyelles et une voyelle et deux consonnes. Hein, ouais. Nio qui? Ça vous dire quelque chose, ça? Qui? Nio qui? Nio. Qui? Et dans le groupe Nio, il n'y a plus monsieur Christophe Gaudin. Il est parti. Il est parti du groupe. C'est bien dommage parce que moi j'aimais bien. Alors nous avons un groupe qui reste Nio, bien entendu, mais avec quand même quelque chose en moins. Mais bon, il a été avantageusement remplacé. Donc le groupe continue et c'est vraiment très très bon. L'album s'appelle Sick Princess. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'intitule « Mon cher Tom ». Shine like... Non, mais excuse-moi, j'étais bloqué sur... Shine like heroes. Shine like heroes. Voilà, Shine like heroes de l'album « Sick Princess » de Nio. Le groupe a sorti donc cet album... Enfin, ils vont le sortir ou ils l'ont sorti, je sais pas, parce que c'était au mois de novembre 2016, donc je sais pas si c'était en novembre 2016. Oui, mais je sais pas exactement s'il est sorti ou s'il va sortir, parce que j'ai pas la date exacte. En tout cas, ça sort chez Send the World Records. C'est du heavy rock et ils existent depuis 2001. Je crois que ça doit être leur quatrième. Je suis pas sûr, mais je crois que ça va être leur quatrième album. Et le groupe a été fondé à Annecy. Annecy, c'était surtout monsieur Christophe Gaudin qui habitait là-bas. Donc je sais pas depuis qu'il est parti si on peut toujours dire que le groupe est un groupe d'Annecy. Je ne pense pas. Nous enchaînerons ensuite avec. Alors là, c'est un groupe qui s'appelle Ekpyrosis. C'est du grec, ça, non? Je sais pas ce que c'est, mais c'est vachement dur à dire et c'est très chiant à prononcer à la radio, surtout. Hein. Par contre, musicalement, c'est très très très sympa. Oh non, Ekpyrosis, ça va? Oui, bien sûr, maintenant que je l'ai dit. Hein. Parce que non, mais l'album The Test of Shadow, ça va. Et le titre qu'on va passer, ouais, Ekpitech. ça te rappelle pas quelque chose, ça? Non, non, non, ça me rappelle rien du tout, tu vois, j'ai oublié ça. Ouais, on a même pas cité Air Radio depuis le début, c'est marrant. Ah oui, c'est vrai, tu vois, merde. tellement on est bien chez Radio Biz. Hein, chez Radio Biz. Voilà, c'est une autoproduction qui sortira le 17 novembre, les Ekpyrosis. Et quoi d'autre ? Ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est du métal moderne, vous pouvez tout mettre là-dedans, hein. Dans métal moderne, vous pouvez vraiment tout mettre. Et le groupe s'est formé en 2010, ils nous viennent de Paris. Oui, de Paris. Et c'est leur premier album, et auparavant, ils avaient sorti un EP. Voilà, donc moi j'ai bien aimé. Franchement, c'est un truc assez original. Maintenant, c'est pas, ça casse pas trop, non plus trois pattes à un canard. Hein, mais allez les voir en concert. Encore faut-il qu'il y en ait trois. Au canard, bah, on peut lui casser le cou aussi. Hein, le cou, je parle du cou ici là. Hein, je te montre parce que. Pas le cou, non, parce que. Non. D'accord ? Hein ? C'est moche. Mais on peut le gaver aussi. Hein, on peut faire des coups de canard farci, c'est vachement bon. Et le foie gras de canard, c'est super bon. En plus, on arrive bientôt à Noël, donc il va falloir y penser. C'est bien, on est que tous les deux, t'as raison d'en parler que maintenant. Ah oui, oui, non, mais il faut en parler maintenant. Surtout que je sais qu'il y a quelqu'un qui a dans sa famille des gens, des agriculteurs, des fermiers, des. Putain, la chance qu'il y a. Hein, ce gars-là a une chance phénoménale, moi je dis. Putain, phénoménale. Il y en a qui ont de la chance, hein. Ils sont bien placés. Alors, moi je dis, je ramène le vin, hein, à la limite. Et puis pour les coups d'oie farci ou les coups de canard farci, on verra. Hein, hein. Allez, le troisième groupe que l'on va vous passer ce soir pour cette programmation musicale s'appelle Flayed. On vous en avait déjà parlé, ça a été une craquerie, un petit peu le coup de cœur en 2014 ou 2015, je sais plus. Mais en tout cas, on 2014, que sans doute, parce que moi, 2015, je m'en souviens pas. Moi. Tu te rappelles pas qu'on avait parlé de ce groupe-là, oui, donc ça doit être 2014. Qu'on n'ait pas l'année dernière, non, je m'en souviens pas. Ah, donc, même Flayed. Si autant soit-il que cette émission, ces deux émissions qu'on avait enregistrées, autant je m'en souviens, même si dans l'état où j'étais, et la journée où je l'ai passé, c'était formidable, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Ouais. Mais voilà, non, on a. Mais donc Flayed, moi j'ai vraiment aimé. C'est sorti chez Clonosphère. Et là, ça s'est sorti chez Clonosphère le 4 novembre. L'album s'appelle 11 Million. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle 11 Million. Sauf que l'album, c'est. C'est Croix Bâton Million. Et non. Bon, par contre, s'ils ont un peu trop d'argent, parce qu'à mettre. 3 bâtons, faut être riche quand même au lieu de mettre. 11 millions quoi. Oui, mais il faut être riche quoi, 11 millions. Mais ils peuvent m'en donner un peu. Oui, mais on sait pas 11 millions de quoi. Ça peut être 11 millions de plumes. Et qu'est-ce que tu ferais avec 11 millions de plumes ? Qu'est-ce que tu ferais avec 11 millions de kilos de plumes et 11 millions de kilos de d'or ? Ah, c'est pas pareil. Hein, 11 millions d'or et 11 millions de plumes, je préfère quand même les 11 millions d'or. Mais par contre, je sais pas où je les foutrais parce que ça doit être quand même assez lourd. 11 millions d'or, non, tu crois pas? Tu te fais un bunker en or, un bunker en or, puis t'en prends un petit peu de temps en temps, quoi. Tu traînes tout ça dans la cave. Donc, Flayed est un groupe de hard rock qui s'est formé en 2013 et ils nous viennent de la Vienne en Rhône-Alpes. Et voilà, donc un groupe français, c'est français, monsieur, oui, français. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bah, rien d'autre. On n'a pas les dates de concert, donc je pense que c'est à peu près tout. Donc on va démarrer avec Nio. On enchaînera avec Ekpyrosis. Ekpyrosis. Tu vois comme c'est quoi ? C'est pas si facile que ça. Moi je suis arrivé trop vite dessus. Et tu as. J'ai tout dérapé à valier, mangé. Et après Ekpyrosis. Flayed. Donc on envoie et puis on revient après. Ouais, on revient. On revient pour vous dire au revoir. Yeah. Yeah. Une soirée quand même très rock'n'roll dans le Rock for Show ce soir, mon cher Tom. Achoum. Bon, t'es pas obligé de tout dévoiler, hein, à tes souhaits. Ouais, donc je disais, une soirée avec des scores élevés. Puisque Score est le groupe. Le groupe que l'on entend en fond sonore s'appelle Scores. Ils sont dans un disque. Ils sont français, je crois. Et on en reparlera la semaine prochaine. Aussi de... Oui, bah il y a plein de choses, hein, tous les fonds sonores. En fait, tu prépares la programmation la semaine prochaine déjà. Ouais, moi il faut que je prenne de l'avance parce que vu comment se passent les week-ends, franchement, j'ai pas le temps de faire grand chose. Ouais, ça va, t'as 4 jours d'avance. Hein. Enfin, 4 jours. Pour 3 titres. Hein. T'as un week-end de 3 jours. Je t'explique, il y a juste 3 titres. Non, hein, week-end... Oui, c'est... Hein. Bon, Scores donc que l'on écoutera la semaine prochaine et on va passer à la suite de la programmation musicale encore avec des groupes français et des groupes. Plutôt rock'n'roll. Mais d'ailleurs, on n'a pas passé de Canadiens ce soir, on n'a pas passé de Radio Québec pour Lise. Non, parce que j'ai pas eu le temps de chercher des groupes canadiens. On m'en a envoyé, mais il fallait que je fasse le tri. Et Hugo et machin, ils sont tous en vacances. Hugo et machin, non, c'est pas machin, c'est Hugo et Eric et John. Voilà, John Asher. Voilà. John Asher. Excuse-moi, John. Non, John est très. Tu pourras me taper la prochaine fois quand tu me verras, parce que je t'ai appelé machin. Il travaille beaucoup, John, beaucoup, et il nous envoie beaucoup de choses. Mais j'ai pas le temps non plus de tout télécharger ce qu'il m'envoie et de tout écouter. Franchement, le temps passe trop vite. Donc il va falloir ralentir le temps ou le temps passe. Ouais, mais ça c'est tu t'en as un dans l'oreille tiens d'ailleurs où as-tu mis ton stylo hein bon enfin bref qu'est-ce que je voulais vous dire bah à la suite de la programmation avec The Host qui nous sort son mais tu rappelles pas la programmation qu'on a passée déjà si je peux te la rappeler Equiprosis Flade ouais voilà. Bah tu viens de le rappeler donc c'est pas la peine que je le rappelle. Non, bah non, j'ai fait ton boulot. C'est bien, tu as bien raison. Donc là, nous allons partir avec The Host. Et le titre marche. Vous allez voir, le titre est très sympa. C'est tiré de leur album Sound the Charge, qui est sorti en avril 2016. Alors pourquoi on vous le passe maintenant? Parce qu'on vient de le recevoir. Ah, c'est aussi simple que ça. Et c'est une autoproduction. Ils nous viennent de Marseille. Ils se sont formés en 2004. Et c'est leur deuxième album, et c'est du rock'n'roll. On enchaînera ensuite avec Alchemy. Je te laisse en parler peut-être. Non. Non, tu veux pas en parler. Donc Alchemy. Non, mais excuse-moi, on va revenir un peu en arrière. T'as une signification de host? Parce que c'est un truc que. Je savais que t'allais me demander ça. Non, je n'ai pas la signification. Pas. Bah, vous cherchez, tu puis l'as, vous nous envoyez par SMS 06 80 01 28 34. Voilà. Et on vous fait gagner. Alors attends, qu'est-ce que j'ai en double? On vous fait gagner un album de chez M&O Music ou de chez Do It. Ça vous va? Hein, donc je vous donnerai le choix la semaine prochaine. La pile ou face. Donc juste vous nous donnez la signification de the host puisque c'est o point non, non h, h point point o point s point t. Voilà. Et donc si vous donnez la signification de cet acronyme, eh bien vous gagnez. Allez, je vous en donne deux. Un album de Do It et un album de chez M&O Music. Et on n'est pas fort dans le rang fort. N'oubliez pas de pointer. Hein. Ah. Donc Alchemy, ce sera le titre Runaway qu'on écoutera ce soir, tiré de l'album Unbreakable, sorti chez M&O Music. Et quoi d'autre? Eh bien, ils nous viennent de Toulouse, formé en 2004, c'est leur troisième album. Oui. Et pour la petite info, pour Alchemy, ils étaient passés sur une célèbre émission de télé qui passe sur M6 en ce moment, et ça avait fait un peu le tour du web que tout le monde jasait. Ouais, un groupe de métal, ils ont rien inventé. Il y a vu Black Rain qui était passé dedans hein, aussi en groupe de métal. Je sais pas si c'est la même émission, mais ils étaient passés également dedans. C'était la France, incroyable. C'est ça, c'était le groupe donc Black Rain qui était passé dedans et qui avait fini 6e en fait de cette émission. Donc je sais pas combien finira Alchemy ou combien non, ils ont fini. Ils ont fini, c'est dans la première édition. Les premières éditions, Alchemy c'était la première ou la deuxième, je crois. D'accord, très bien. Donc ils nous viennent de Toulouse, c'est leur troisième album, et ils nous font du post-grunge. Voilà. Moi, personnellement, j'ai pas accroché. Ouais, ça fait un peu de Nirvana, quoi. Bon, j'ai pas accroché. Je sais pas si ça fait Nirvana ou pas Nirvana. En tout cas, ce n'était pas le Nirvana pour moi. Je veux te le rassurer. Non, mais Nirvana, hein, grunge, Nirvana, quoi. Oui, mais non. Mais même pas. Kurt Cobain, quoi. Non, mais même pas, parce que Kurt Cobain, c'était bien, alors que là... Et Kurt, c'est bien? Et Kurt, c'est pas mal du tout. Kurt. Avec un accent. Non, c'est pas un accent. Avec c'est un point d'exclamation. Et c'est un groupe punk, voilà, Kurt. Groupe punk qui nous sort un EP 3 titres. Alors, dans ce EP 3 titres, en fait, c'est comme complètement un single, en fait, 2 titres. Et le deuxième titre, il est remixé. Oui, parce que Kurt, c'est un vieux groupe. Hein, oui. Pour ceux qui. On a fait un lapsus en mode Kurt Cobain, ouais, Kurt. Non, c'est Kurt. C'est un groupe Kurt, K-U-R-T, avec un point d'exclamation à la fin, qui est des 82. Non, 88. 88, et ils se sont séparés en 1992. Et ils se sont reformés. C'est sûr que c'est ça? Oui, c'est ça. C'est de 88 à 92. Et ils se sont reformés en 2015 pour ressortir ça. Alors c'est issu de la scène, la même scène que les Sheriffs, que Parabellum, que toute cette scène punk rock de l'époque. Que les moins de 25 ans ne peuvent pas connaître. Même ceux qui en ont 30 déjà, ils n'ont pas connu beaucoup. Et ça sort chez Kebras Records, le label de Pat Kebra. Et le titre que je vous propose ce soir, c'est une petite blague. Hein, ça s'appelle Non-Stop Daltons. Et c'est une cover de... vous nous direz justement une cover de qui Non-Stop Dalton quand vous l'aurez écouté. Et surtout on vous fera gagner encore là, on vous fait gagner encore si vous trouvez de qui est la cover Non-Stop Dalton, qui ne s'appelle pas comme ça à l'origine. Vous raflez deux CD, encore un CD de M&O Music et un autre CD de chez Do It. Putain, il suit pas. Do It. Non, pas. Moi, c'est moi qui suis crevé, c'est lui qui suit pas. Ça va pas du tout, Tom. Ça va pas du tout, Tom. Il va falloir que je te change les piles. Au passage, Pat Kebra, quand t'as le temps, tu passes dans le studio. Hein, si tu les écoutes, on t'attend parce que depuis le temps qu'on t'a invité, tu viens pas. Ouais. Et je vais te changer les piles. Ouais, donc, il va falloir que. Elles sont fatiguées. Il va falloir que je. Ouais, je vas te baisser un peu, quoi. Hein. Allez, mon cher Tom, on se retrouve la semaine prochaine parce qu'on les laisse partir en musique. C'est pas la peine qu'on revienne après. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on peut. On peut revenir après. On reviendra alors à ce moment-là sur un autre titre de Red Cane, par exemple. Oui, parce qu'on a dit qu'on passait sur. Ouais. Donc on envoie la musique et on se retrouve tout de suite après pour vous dire au revoir. At my door, it's been a long time. lost and found. I live and die by the triste et douloureuse histoire des frères Dalton qui furent l'incarnation du mal, du mal, du mal. Pems. Et que ceci serve d'exemple à tout ce que le diable incarne du droit chemin. Retour dans le studio avec Hallowed Be Thy Name de Iron Maiden, un titre que je dédicace à toutes les victimes des attentats. Hein, c'est un peu pour ça que je te l'ai mis, parce que tu m'as laissé libre choix. J'ai dit je vais reprendre l'émission de l'année dernière qu'on avait fait particulièrement. Et donc, bien juste évidemment, après l'événement qu'on avait eu. C'était pour Guillaume que j'avais choisi ce titre, puisque Guillaume nous a quittés. Ça va faire un an maintenant et Guillaume me manque toujours autant. Guillaume nous manque toujours autant parce qu'il y a sa famille et ses amis. Et c'est un manque que l'on ne pourra jamais combler. Et voilà, donc on pense quand même très fort à toi Guillaume et à ta famille. Bon allez, on va finir quand même l'émission avec la joie, la bonne humeur. Et on va finir avec le titre de Red Cane. Que je vous ai passé tout à l'heure en fond sonore, eh bien on va vous le passer en intégralité maintenant pour se dire au revoir, c'est ça mon cher Tom ? Oui, à la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, je ne sais absolument pas de quoi on parlera. On verra. J'ai envie de te dire comme toutes les semaines, quoi. Non, parce que d'habitude j'ai un petit programme quand même qui est plus ou moins. Un minimum. Oui, un minimum fait. Alors que là, non, c'est vraiment. On verra. Au feeling, on verra s'il y a un groupe qui nous fait coucou et qui voudra passer dans l'émission, pourquoi pas. Hein, allez-y, venez. Hein, venez. venez, venez, viendez. Tom, viendez avec nous. Un grand merci pour la technique ce soir. Mais de rien, Phil. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. C'est le Rock for Show, c'est rock, c'est fort, c'est chaud. Ah bye bye, passez un bon week-end, ouais, puisque demain vous êtes de repos. Ouais, en France, en France. Et les Québécois, oui, je sais pas où vous en êtes, mais ouais. Bon courage. Attention, préparez les tentes, il y a du monde qui arrive. Allez, c'est parti, musique.